Vous êtes en compagnie de l'Allon des Zones, Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne de bout à l'autre du pays. Merci bien à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci. Merci aussi aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan. CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Et bien entendu, il y a aussi archive.org maintenant que vous pouvez écouter l'émission en streaming. Si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça tout simplement à canrockcdn@commercialgmail.com. Allons-y avec la deuxième heure, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Avec monsieur Stéphane McNicol, originaire d'Ottawa, franco-ontarien, qui reste maintenant, je pense, dans la région de Mont-Tremblant. Donc, il fait toujours de l'excellente musique et il nous propose un nouvel extrait. Il y a de l'amour, très captivant, très été, très plaisant à écouter. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Julie Kim avec « Je dis ce que je pense ». Et on va terminer le bloc avec la productrice de l'album de Julie Kim, Cécile Dukengue, voilà, avec D'Or. Elle sera au festival Mariposa le week-end du 6-7-8 juillet. Allez, allez, pourquoi? Il y a tant de gens qui ne survivent pas. Allez, allez, pourquoi? Il y a l'amour. Des gens qui ne survivent pas. Allez, allez, pourquoi? Y'a l'amour. Y'a des rêves qui restent sans être vécus. Ce sont des pensées qui n'existent plus. Un mirage que l'on croit avoir aperçu dans ce désert qui t'attend sans issue. Allez, allez, pourquoi? Y a tant de gens qui ne survivent pas. Allez, allez, pourquoi? Y a l'amour. Allez, allez, pourquoi? Y a tant de gens qui ne survivent pas. Allez, allez, pourquoi? Y a l'amour. Y a un monde entre nous que l'on ne peut pas voir. Y reste qui vraiment? Mais on peut le sentir, mais jamais y goûter. Yeah. Le fruit défendu est empêché. Allez, allez, pourquoi? Y a tant de gens qui ne survivent pas. Allez, allez, pourquoi? Y a l'amour. Hey, oh. Allez, allez, pourquoi? Y a tant de gens qui ne survivent pas.

ces hommes forts et fiers, tant d'aujourd'hui que d'hier, qui se sont battus à mes chers pour protéger nos droits. Des jeunes rongés par l'étranger, des vieux à bout déterminés, pour nous ils se sont sacrifiés, à eux je lève mon verre. À tous ces gars irrévérents qui se vouent au culte de l'argent, peu importe qui se fait baiser, ou profaner le sang coulé. Un beau sommeil de rêve, ton sommeil vaut de l'or. Sommeil de rêve, ton sommeil vaut de l'or. Technologique, tout accessible au bout d'un clic. Plus besoin de déchiffrer, de calculer, de conjuguer. Manipuler à se divertir, plutôt qu'à vraiment réfléchir. Meilleure façon de conquérir, dissiper, assoupir. Technologique, toujours plus grand, plus fort, plus vite. Plus besoin de se pousser, perfectionner, juste appuyer. Le joug du virtuel plaisir nous pousse à moins interagir. Meilleure façon de conquérir, dissiper, assouplir. Auteur, compositrice, interprète, guitariste, virtuose, une machine, comme on dit par chez nous, mais une femme très sympathique, Cécile Doukengué, et d'or tiré de son album Gris. On vient d'entendre ça, c'est vraiment merveilleux. J'adore cette femme-là. Ça nous amène à notre bloc de musique instrumentale, et cette semaine, j'ai deux artistes à vous proposer. Premièrement, les gens des Maritimes, soit Halifax, Moncton, Charlevoix et les îles de la Madeleine, voilà. Au mois de juillet, allez voir Benjamin Deschamps Quintet. Écoutez, c'est merveilleux, ce jazzman-là, il est saxophoniste, mais son quintet, eh bien, ils étaient la révélation jazz ici Radio-Canada de l'année dernière. Et puis, au mois de juillet, ils vont être dans les Maritimes. Allez l'encourager, allez le voir. Il m'a l'air un gars très sympathique. Et nous, ça nous fait plaisir à Canrock de faire tourner sa musique parce que c'est de la bonne musique instrumentale. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je vous ai programmé tout simplement la pièce qui s'appelle tout simplement Manilia. Monilia, voilà. Et c'est tiré de son album Demi-Nuit, Benjamin Deschamps, Jazz Quintet. Vraiment, là, un artiste à voir en spectacle, ça, c'est garanti. Pour terminer notre bloc instrumental, j'ai décidé d'aller piger dans les souvenirs. Celui de Los Gringos, on n'a pas de nouvel album. Je ne sais pas s'il y en aura un nouvel album de Los Gringos. Mais une chose est sûre, Vow of Silence, c'est excellent comme album. Et la pièce que je vous envoie, c'est tout simplement Nanny Go. Et là aussi, du bon jazz latin, assez rythmé, assez entraînant. Donc, je pense que vous allez apprécier. Mais pour l'instant, je vous le dis, les gens des Maritimes, Halifax, Moncton, Charlottetown, île de la Madeleine, surveillez ça. Benjamin Deschamps Quintet s'en vient chez vous. On les écoute avec Monilia.